Quand on parle de culpabilité, on parle de système de valeurs. Quand on parle de système de valeurs, on parle d'une culture, d'une forme de psychologie développée par une expérience. Expérience, évidemment, que chaque individu va vibrer et sentir différemment selon la nature de son interprétation de l'expérience. Et le karma influence beaucoup la notion de culpabilité, en ce sens que selon la programmation de chaque personne, la lecture va s'ajuster au système de valeurs en fonction justement de la programmation. Un individu qui a une programmation extrêmement agressive va avoir une tolérance à la culpabilité qui est beaucoup plus grande qu'une personne qui a un karma spirituel. Une personne qui a un karma spirituel cherche une notion d'harmonie qui est souvent très idéaliste. Et c'est des gens qui sont fortement manipulés par la culpabilité, surtout par le biais de gens qui, pour balancer leur polarité spirituelle, sont généralement plus négatifs, plus méchants, si on le regarde d'un point de vue spirituel, et qui, par conséquent, ont une attitude à justifier leurs actes en fonction de leurs besoins, alors que l'être spirituel a tendance à justifier ses actes en fonction d'un idéal. Donc, si on parle de culpabilité sur une base de lecture de système de valeurs, on comprend que toute culpabilité est relationnelle. Une personne seule avec elle-même ne se sent jamais coupable, puisqu'elle a simplement à répondre à ses besoins. Quand vous répondez à vos besoins, quand vous êtes en harmonie avec ce que vous allez chercher dans votre environnement extérieur et qui se balance, et qui balance vos vibrations et qui se balance aussi avec votre environnement privé, vous n'êtes pas sujet à lire ou à interpréter ce que vous faites comme étant culpabilisant. C'est pas reprochable parce que c'est un besoin que vous comblez, c'est une attitude que vous avez vis-à-vis vous-même de tolérance par rapport à aux besoins que vous vous donnez de combler. Et ça devient culpabilisant quand les autres vous disent, avec un autre système de valeurs, que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Donc, la notion de bien et de mal rentre en ligne de compte quand on parle de culpabilité et de reproche. Bien et mal, on le sait, c'est une polarité. On sait aussi que la polarisation se fait par le biais de l'astral, que l'esprit n'est jamais polarisable. Conséquemment, l'effet de culpabilité ou l'effet de reproche ne vient jamais sur un mouvement de l'esprit. Il vient toujours sur un mouvement d'âme et est toujours réaccordé ou accordé à de l'expérience karmique. Ne jamais oublier que votre expérience de culpabilité ou de reproche repose sur le karma. Le karma, c'est un système de valeurs en soi qui est déjà encodé dans vos cellules. Vous pouvez avoir des familles qui se sentent coupables pour la même raison, et une autre famille qui ne se sentira jamais coupable pour les mêmes raisons que l'autre famille qui se sent coupable. C'est donc dire que c'est votre génétique qui reçoit la lecture des autres, c'est votre génétique qui capte et absorbe l'atmosphère émotionnelle, l'état d'esprit des autres en regard avec ce que vous faites, et qui vont, par le biais du reproche, essayer de prendre ascendance sur votre corps émotionnel et sur votre corps mental. Donc, le reproche et la culpabilité est à l'origine des lois pour essayer de régulariser et d'administrer le plus harmonieusement possible les différences karmiques entre tous les individus qui font partie de cette collectivité-là. Chaque collectivité va s'établir des règles, va s'établir un mode d'opération pour atténuer les effets karmiques de groupes par rapport à d'autres groupes ou de personnes par rapport à d'autres personnes. Il faut donc comprendre que la réglementation de votre mental est basée sur votre aptitude à vous lire émotionnellement et intellectuellement. La réglementation collective peut aller dans votre sens, peut amplifier votre sens de lecture personnelle et peut aller contre votre lecture et amplifier la problématique. Ce n'est pas rare qu'une personne à qui on reproche quelque chose qui est banal, ça devienne extrêmement agressif de la part de la collectivité et on en met plus qu'il en faut. Souvenez-vous des étapes de vie de la femme qui savait se libérer, les femmes qui avaient des enfants en dehors du mariage, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas mariés, qui avaient des enfants et ils étaient profondément jugés. Souvenez-vous d'une phase où les gens qui divorçaient étaient pointés du doigt. On parle quand même pas beaucoup d'années, c'est à peine 40 à 50 ans. Et ces gens-là ont subi des torts psychologiques énormes parce que à cette époque, le jugement collectif allait à l'encontre d'actes karmiques qu'ils étaient, entre guillemets, obligés de vivre parce que c'était du karma. Et ces jugements-là, ils les ont traînés pendant 25-30 ans jusqu'à ce qu'ils soient libérés par la même fameuse collectivité qui a développé une tolérance pour les femmes ou les gens qui divorçaient et qui aussi avaient des enfants en dehors du mariage. On ne serait pas surpris que dans quelques années, que les gens qui se marient se sentent coupables de se marier. Parce que la collectivité va avoir possiblement prôné que la majorité des gens ne se marient plus. Donc, vous pouvez voir qu'un système de valeurs collectif peut rendre un individu dans son expérience karmique extrêmement coupable et peut le placer dans une situation de déséquilibre très grand, simplement par un point de vue qui est différent. La personne qui est exposée à vivre une destinée n'a pas le choix d'être ce qu'elle est. Elle n'a pas le choix pour elle-même et n'a pas le choix par rapport aux autres. Elle est ce qu'elle est, et si elle est jugée dans ce qu'elle est, elle peut se faire détruire par son environnement simplement parce qu'elle est différente. Et ça, cette différence-là, si elle ne réussit pas à s'adapter à une lecture pour elle-même qui la suffit et qui la justifie parfaitement, elle peut facilement tomber dans une sorte de dépression ou de burn-out permanent par rapport à son environnement. Elle n'aura pas le choix à ce moment-là de se trouver une famille ou un milieu ou une petite collectivité qui va avoir une grande tolérance pour sa façon d'être. Sinon, elle va être complètement absorbée, bouffée, écrasée par l'environnement collectif. Donc, dans le reproche et la culpabilité, il y a un enjeu, votre identité et votre liberté d'expression. Une personne me disait un jour, « Ta liberté finit où la mienne commence. » C'est intéressant. C'est vrai que si ma liberté me fait agir d'une certaine façon et que ça perturbe la liberté de l'autre, j'ai effectivement à me trouver un espace où je peux être libre sans déranger. Mais sans déranger, ça ne veut pas dire que je me sens coupable. Ça veut simplement dire qu'il faut que j'aie l'intelligence de structurer ma liberté pour ne pas déranger la liberté de l'autre. Des gens plus agressifs vont simplement dire, ben toi, tu seras pas libre et moi, je serai libre. C'est ce qui est la domination, c'est ce qui a existé pendant des siècles et des siècles, en faisant voir à des gens que des gens plus forts pouvaient être plus libres que d'autres plus faibles. Vous êtes plus faible, vous êtes dans une guerre d'âme, vous allez nécessairement être reproché plus que la moyenne. Les gens pauvres, les gens faibles, les gens qui n'ont pas les moyens de se défendre sont des gens qui sont plus facilement attaqués. Et s'ils dérangent la liberté des plus forts, les plus riches ou les plus nantis, inévitablement, ils vont se faire tasser par un système de loi. Et si la loi ne va pas dans le sens du riche, le riche va manipuler la loi par le biais de sa finance, par le biais de trafic de pouvoir, jusqu'à ce qu'il y ait gain de cause de sa part. Ça reviendra toujours à la guerre entre le faible et le fort. Donc, la loi de la jungle s'applique autant dans ce domaine-là. Pourquoi les gens réussissent souvent dans la vie? C'est parce que ils se défont du reproche, ils se défont de la culpabilité avec des ressources financières, des ressources sociales ou des ressources de manigance politique ou de pouvoir, et réussissent à faire porter le chapeau à un autre. Qu'est-ce qui fait qu'un individu reste pris avec la responsabilité ou du reproche ou de la culpabilité? Un manque de ressources. Regardez dans votre vie tout ce qui pourrait être réglé avec de l'argent ou avec une forme quelconque de pouvoir social qu'on vous reproche. Et regardez celui qui vous attaque, à quel point il est achetable. Et vous allez vous rendre compte que c'est très relatif, le reproche. Ça ne repose pas sur une idée. Ça repose sur un pouvoir d'être libre dans ce que les gens considèrent être leur droit ou leur liberté. Évidemment, subir ou vivre le reproche, ça crée des conditions très inconfortables quand on est seul. Seul, ça veut dire qu'on est obligé de tirer le maximum de toutes nos ressources pour neutraliser l'effet du reproche qui vient toujours de l'extérieur, qui se place tout le temps par le biais d'une personne qui a un système de valeurs contraire ou qui est en biais avec le nôtre. Il y a deux alternatives pour ne pas vivre de reproche. La première, c'est d'établir un dialogue, une discussion, avec évidemment une espèce de maîtrise du verbe, une maîtrise du mot, du terme, pour que la personne change sa lecture de la situation, pour qu'elle soit capable de développer une tolérance du geste ou de l'acte que vous avez posé qui ne correspond pas à son système de valeurs. Mais il vous faut très rapidement saisir la limite de l'autre. Quelle est sa limite? C'est qu'est-ce qu'il répète qu'il tient absolument à vous faire comme gober ou avaler pour qu'il ait ascendance. En d'autres termes, vous ne pouvez rien tirer de quelqu'un qui domine. Vous ne pouvez rien changer chez quelqu'un qui pense être dans son droit et un droit supérieur au vôtre, évidemment. C'est une guerre de nerfs. Le reproche, c'est une guerre d'idées et de nerfs. C'est une guerre de ressources. Il vous faut beaucoup de ressources pour échapper à un individu qui est dans son raisonnement et qui ne démarre pas de son raisonnement. Donc, pour échapper au reproche, il vous faut, je vous le dis encore, des ressources. Et si, comme j'ai dit, au niveau d'un dialogue ou d'une communication, c'est impossible de refaire la lecture de la personne, de rebâtir une nouvelle lecture, parce que ça crée trop de remous dans son système de valeurs, ne vous épuisez pas à vous expliquer. Il y a un de mes amis qui m'a lancé une petite phrase un jour. Il me dit, Daniel, t'es mieux de mourir incompris que de passer ta vie à te justifier. Je l'ai trouvé drôle. Mais c'est un peu le même principe. Quand on est obligé de se justifier, quand un environnement nous impose de se justifier dans notre façon d'être, on se fait détruire par en dedans. Et le reproche a un effet très corrosif et probablement très corrosif jusqu'au point de vous rendre malade. Donc, c'est très important de vous garder en santé. Donc, c'est très important de conserver au maximum vos ressources pour trouver un espace qui vous accompagne, qui comprend votre condition, qui est capable de tolérer ce que l'autre ou l'environnement ne tolère pas, qui vous reproche quelque chose. Donc, des gens qui ne vous reprochent pas. Si vous êtes dans un environnement qu'on ne vous reproche pas, mais qu'on ne vous endosse pas, vous êtes déjà mieux. Mais c'est pas encore parfait. Idéalement, c'est d'être avec des gens qui non seulement comprennent votre lecture ou l'acte ou le geste que vous posez, mais qui est capable de référer à sa propre dynamique karmique pour endosser ce que vous êtes capable de faire. Et capable de faire ou possible de faire parce que c'est un accident, dans le genre, il y a des situations qu'on fait à répétition et qui sont reprochables à cause de la nature même du geste, mais il y a des situations aussi, c'est occasionnel, c'est accidentel, c'est une situation qui s'est placée dans un climat d'urgence, comme je me rappelle des femmes que j'ai eues en consultation qui avaient des enfants hors du mariage. À cette époque, c'était fortement jugé. Aujourd'hui, c'est un standard. Et on a à attaquer les gens maintenant qui ont des enfants strictement sur le fait de leur capacité à entretenir l'enfant et à le garder dans une situation où la survie ne bouleverse pas l'enfant en question. Donc, le reproche est conditionnel à des ressources. La personne a des ressources, elle a plus de droits que dans les années 50. La personne a moins de ressources, là, on peut commencer à chercher des solutions pour l'aider à développer ses ressources ou on peut l'attaquer en lui disant « t'avais pas le droit de faire ça, sachant que t'avais pas les ressources de faire ce que tu fais ». Donc, oubliez jamais que tout se règle avec des ressources. Vous avez de l'argent, vous avez de l'influence politique, vous avez une capacité de parler, vous avez quoi que ce soit qui permet de neutraliser la domination sur votre personne, vous êtes automatiquement en mesure de régler le reproche et la culpabilité. Mais vous n'avez pas de ressources, vous n'avez pas de pouvoir politique, vous n'avez pas aucune forme d'impact au niveau du verbe. Vous êtes quand même dans votre droit d'être ce que vous êtes, puisque c'est karmique. C'est pas vous qui l'avez voulu. C'est quelque chose qui s'installe dans votre être et que vous émanez, que vous vibrez. On peut pas s'empêcher d'exister. On peut pas se questionner sur le droit d'exister. Donc, le deuxième élément qui vous permet de vous dégager du reproche, c'est l'acceptation intégrale de soi, peu importe ce que vous considérez être des défauts ou des qualités. Pour moi, dans ma vie, la lecture que j'ai faite de la vie, c'est que la personne qui a une qualité parce qu'elle a été supportée par un environnement, pour développer cette qualité-là. Et la personne qui a un défaut, elle a été elle-même, dans son défaut, supportée par un environnement qui ne pouvait pas faire mieux que de laisser le défaut se développer. On ne reproche pas à un arbre d'avoir poussé croche, on peut juste l'expliquer. Les grands vents, une situation où l'arbre devait passer à côté d'un autre rocher ou quoi que ce soit, et il a poussé croche. Mais si on le laisse pousser dans un environnement qui est facile, qu'on lui donne un tuteur pendant qu'il est jeune et qu'on lui donne l'occasion d'être droit, il sera droit. Mais s'il est croche, c'est pas de sa faute. S'il est droit, c'est toujours pas de sa faute. C'est l'environnement qui lui a permis d'être droit ou croche. C'est karmique. Karmique, Ça ne justifie pas de se sentir coupable. Karmique, c'est une situation obligée par une expérience d'âme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. Si on vous reproche quelque chose, vous allez avoir à assumer les conséquences. Mais je vous le dis, les conséquences, c'est une question de ressources. Vous êtes attaqué, peu importe la nature de votre attaque, regardez les ressources. Votre première ressource, c'est de vous accepter vous-même, de ne pas questionner ce que vous êtes et ce que vous avez besoin. La deuxième chose à faire, c'est aller dans un environnement qui est capable de supporter, d'appuyer cette fameuse ressource que vous avez ou qui est capable de neutraliser l'effet d'attaque que vous avez sur votre personne. Le reproche, c'est une guerre d'art martial mental. C'est une guerre souvent psychique, c'est occulte. Les gens sont de moins en moins, je dirais en anglais, « upfront », donc sont de moins en moins capables de se présenter au combat verbal. Ils font les mouvements par le biais d'avocats, ils font par le biais du silence, ils font par le biais de quelque chose de très sournois. Vous n'êtes pas toujours capable de vous battre d'une façon directe. Des fois, vous avez le verbe, vous avez l'argent, vous avez quoi, mais vous savez pas d'où vient le reproche. Donc, il vous faut faire un combat psychique. Et je vous le dis, le combat psychique, ça se neutralise par un environnement avec qui vous pouvez communiquer, parler, dégager une certitude de votre droit et de votre équilibre, et trouver un espace psychique et un espace physique, un espace émotionnel dans lequel vous pouvez être accueilli. Si vous trouvez ces éléments-là, automatiquement, vous allez peut-être pas éliminer le reproche. Le reproche va toujours venir de l'extérieur, mais vous allez avoir neutralisé, les effets pervers que ça a sur votre santé, sur votre équilibre physique, sur votre équilibre de travail, votre productivité, votre efficacité. Très, très, très important de toujours considérer que ce que vous faites, ça ne pose pas d'erreur. C'est mal lu par votre environnement, c'est mal lu par les intentions de votre environnement, par les attentes de votre environnement. Les gens peuvent collectivement se créer une attente sur un environnement et vous ne répondez pas à cette attente-là et automatiquement vous êtes reproché. Prenez un punk qui demeure dans un quartier bien, huppé. Il va être jugé simplement par la façon qu'il s'habille. Ce même punk, on dit à tout le monde qu'on a fait une collecte pour pouvoir, c'est pas vrai là, mais c'est, on dit qu'on fait une collecte pour le remettre sur la bonne voie. On le réhabille avec un costard Hugo Boss, et on le fait repasser dans la même rue et tout le monde va applaudir. Le gars n'a pas changé. L'image a changé. C'est une question d'impression. Il a changé l'impression et automatiquement, il a le droit de vivre. Donc, c'est une question de lecture. Ne jamais perdre de vue que le reproche est toujours... On peut considérer intéressant de voir c'est quoi l'origine de la culpabilité. C'est évident que lorsqu'on est placé à vivre de la culpabilité, on est dans une sorte d'aboutissement d'un crescendo qui a commencé par le biais de la critique. Les gens s'en rendent pas compte, mais dès qu'ils ont un petit climat négatif dans le mental, un petit climat négatif dans la charge émotionnelle, ils ont la critique facile. Et là, ça vous inclut. Toutes les personnes sur la planète ont cette petite maladie maudite de créer et d'engendrer des atmosphères de critique. La critique, c'est un état des fois passager sur lequel on est insatisfait d'un rendement, on est insatisfait des attentes qui nous poussent à vouloir rechercher une forme d'idéal ou un climat quelconque d'harmonie. Et quand on n'y a pas accès, qu'on n'a pas la possibilité de rencontrer cette forme d'idéal, ben il y a un petit côté critique, même des fois un fort côté critique, qui s'élance sur « c'est la faute à ». Il y a des gens qui m'empêchent de. Les personnes ne veulent pas m'accepter. Les gens me rejettent. Les gens me placent dans une situation conflictuelle, etc., etc. C'est sûr que vous allez toujours justifier le caractère critique de votre affirmation par une sorte d'ordre intellectuel, mental, un ordre émotionnel souvent. Vous allez reprocher à des gens de vous faire vivre des situations X. Évidemment, vous allez critiquer très ouvertement l'inconfort et l'insatisfaction que vous avez. Je ne dis pas que c'est pas justifié, mais je vous dis que à l'origine de toute forme de culpabilité, il y a un petit venin qui s'installe, qui est léger au début, mais qui est là en permanence, qui cherche constamment à affaiblir son environnement dans ses droits, qui cherche constamment à affaiblir son milieu intime, des fois même, dans ses droits d'être ce qu'ils sont, le droit d'exister karmiquement à leur façon, et on critique. Évidemment, éventuellement, la critique s'accumule. C'est comme une boule de neige qu'on roule et qui commence à faire un petit bonhomme de neige. Et ça, la critique, de façon cumulative, ça amène le reproche. On se rend compte à un certain moment donné que notre attitude critique, qui est très rationnelle, qui peut être très froide, très calme même dans un sens, aboutit progressivement au moment où l'autre s'affaiblit ou au moment où les autres semblent ne plus avoir raison et que nous, ça émerge cette certitude d'avoir la vérité, d'avoir la loi entre les mains, d'avoir l'avantage quelconque, il commence à y avoir un reproche qui s'installe. Ce n'est plus de la critique, là. Ça devient, ça commence à être institutionnel, là. On commence à être capable de donner des raisons à peu près à tout ce qui ne fait pas notre affaire. Et là, l'état mental, qui était à la base légère, commence à être plus lourd. On commence à vouloir, dans le reproche, imposer une ligne de conduite à l'autre, évidemment, pas à nous-mêmes. C'est évident qu'on n'a rien à se reprocher. Mais cette ligne de conduite qu'on installe, que les autres doivent suivre, qui doit être à l'image de notre grande vérité, de notre certitude, de notre lecture absolue de la situation, ben évidemment, si les gens dévient, ben le reproche va accumuler des raisons ou des formes ou des façons de faire, va commencer à étudier le droit de pouvoir nuire à l'autre ou d'empêcher l'autre d'être ce qu'il est, afin qu'il se sente coupable. Et ce sentiment de culpabilité-là, quand on réussit à le faire vivre à l'autre, ça nous donne de l'autorité sur sa volonté, ça nous donne de l'autorité sur sa contenance, ça nous donne un droit au-dessus de ses droits. Et on commence à pouvoir l'obliger. Si on le regarde d'une façon collective, ça ressemble beaucoup à la loi. La loi a cette espèce de droit de faire sentir coupable un environnement donné. Je ne dis toujours pas que c'est bon ou c'est pas bon. Je suis dans simplement l'étude de ce qui fait qu'un individu est coupable et conséquemment de comment ce crescendo s'installe. Ça part de la critique, ça s'en va vers le reproche et le reproche est une forme d'avertissement avant de commencer à culpabiliser ou à donner une sanction de culpabilité. Quand vous êtes rendu au niveau de la loi, vous êtes au niveau de gens qui ont essayé de regarder ce qui pouvait être un ordre social. La loi a déjà établi ce qui est valable pour l'individu et ce qui est valable pour la collectivité. La loi doit protéger une collectivité d'excès qui viennent d'individus. Donc, elle se donne une position beaucoup plus absolue que l'individu pour justement engendrer dans une collectivité un équilibre. Tous les hommes de loi doivent regarder les droits de l'individu en fonction d'une harmonie sociale et collective. C'est évident que lorsque l'individu excède certains droits permis par la loi, il se donne un privilège par rapport à d'autres individus. Et c'est là que la critique peut commencer par l'ensemble, la collectivité, ou certains individus dans la collectivité, envers cette personne qui se donne des privilèges. Et c'est sûr aussi que si la personne se donne des privilèges, elle est passible de reproches si l'ensemble de la collectivité est lésée. Et là, la loi doit entrer en vigueur pour imposer une culpabilité afin que l'individu réduise ses privilèges et se donne une vision plus sociale, plus collective de son ensemble. Souvent, si on vous dit que vous êtes coupable d'être tel ou tel facteur de négatif dans un milieu, c'est que vous êtes simplement pas à la bonne place. Vous avez peut-être besoin de privilèges qui sont un droit pour vous, mais sur lequel les autres ou les gens qui sont autour de vous ne peuvent pas, eux, se donner ce privilège. Donc, vous êtes un élément divergent, vous êtes un élément marginal, vous êtes un élément qui est là pour créer un inconfort. Pas nécessairement parce que vous le voulez, c'est parce que votre façon de faire, votre façon d'être engendre un différentiel qui suscite la critique, suscite le reproche et éventuellement vous place par rapport à l'ensemble coupable d'être quelque chose de perturbant. Cette marginalité que vous avez peut éventuellement dans le temps être dissous par le fait que les gens finissent par vivre la même chose que vous, la même forme de privilège que vous. Lorsque les gens sont collectivement capables de se ressembler, d'avoir une lecture commune, une perception commune entre eux, ils n'ont pas tendance à s'accuser. Et c'est là que les hommes de loi changent les lois, parce qu'il y a une certaine flexibilité qui s'installe dans l'environnement. On appelle ça un amendement à la loi. Mais ces amendements-là se créent strictement quand l'ensemble d'une collectivité est capable de bénéficier en commun ou individuellement, mais dans son ensemble, de privilèges que peut-être 20 ans ou 15 ans passés, c'était pas accordé. Et là, on accorde certains privilèges parce que les gens se contiennent mieux, sont plus stables et ont une lecture de l'ensemble qui est tolérable ou tolérée. On parle de mariage gay. Il y a des pays qui ne tolèrent pas ça. Donc, il y a des pays qui ne contiennent pas le privilège de donner à deux personnes le droit de se marier parce qu'ils sont du même sexe. Dans certains autres endroits, c'est plus flexible. C'est donc dit que un droit dans un domaine ou dans un milieu peut être une façon de lire une souplesse ou une contenance dans certains secteurs. Par contre, les gens qui bénéficient de ce privilège peuvent éventuellement abuser de leur privilège et là, on va être obligé de resserrer la loi ou de resserrer le privilège parce que les gens vont avoir mal interprété la permission que la collectivité va leur avoir donnée. On parle de gays, on parle de certains secteurs où les droits au niveau du mariage, au niveau du couple, au niveau de tout ce qui touche le comportement avec les enfants ou quoi que ce soit, peut être vécu d'une façon publique, d'une façon sociale. Et toujours, vous allez avoir à vivre des reproches sur des comportements individuels qui sont en conflit avec une collectivité. C'est sûr que si vous avez une capacité de vous adapter, vous avez toujours avantage à essayer de marier le plus possible comment la collectivité vous lie et comment vous voulez conserver certains privilèges. Vous pouvez pas gagner sur toute la ligne. La collectivité ne peut pas non plus gagner sur toute la ligne. Mais il faut quand même qu'il y ait une zone d'adaptation, un temps, une perception à l'intérieur du moment où il y a de la critique. La critique, c'est le départ qui va amener au reproche et qui éventuellement va faire intervenir une forme de règlement social ou un règlement collectif. C'est très, très important de comprendre qu'au moment où il y a de la critique et même au stage où c'est rendu au reproche, il faut, pour l'individu, être capable d'intervenir le plus rapidement possible pour éviter que ça aboutisse dans un règlement public ou social ou peut-être même une sorte de connivence entre plusieurs individus qui peuvent faire la loi par rapport à un individu ou un groupe d'individus. Parce que des fois, c'est pas toujours des lois formelles, ça peut être une sorte de, comme je l'ai dit, de connivence entre plusieurs personnes qui font la loi dans un milieu donné. Et là, à ce moment-là, ben, les droits de l'individu sont resserrés, sont réduits pour permettre à ce petit royaume-là de gens qui font la loi de pouvoir établir comment les choses doivent se vivre, comment les événements affectifs ou sociaux doivent se présenter. Combien de femmes ont été lésées dans leurs droits parce qu'ils faisaient partie d'une certaine collectivité? Ils sortent de la collectivité, s'en vont dans une collectivité qui est plus tolérante, et ce qui était à la fois la critique, le reproche et la culpabilité disparaît. Par contre, il ne faut pas oublier que quand vous êtes rendu au stage d'être culpabilisé dans votre façon d'être, ça fait des traces. Vous avez une mémoire très défensive de votre milieu. Vous pouvez éventuellement perdre confiance dans votre milieu parce que justement l'effet de reproche a été porté jusqu'à à des coups physiques, à des séquelles matérielles ou financières. Et là, à ce moment-là, l'individu peut être extrêmement susceptible à toute forme de critique ou de reproche parce que il a compris que c'est un avertissement. Il y a même des gens qui sont très sensibles à la critique parce qu'ils voient toute la démarche psychologique des gens qui vont aller vers le reproche et éventuellement vers l'accusation. Donc, ça devient excessivement important de comprendre que toute personne qui est critique peut éventuellement rencontrer des gens qui sont excessivement défensifs devant cette critique-là parce qu'ils ont subi des torts profonds dans leur psychologie, dans leur émotivité, dans leur sensibilité. Et tout le monde ne traite pas la critique de la même façon, parce que tout le monde n'a pas les mêmes expériences de la condamnation puis de l'accusation. Il y a des gens qui traitent la critique plus légèrement parce qu'ils ont toujours été capables de s'adapter à la collectivité. Mais ils peuvent rencontrer une collectivité qui est excessivement intransigeante et à ce moment-là subir de cette collectivité-là un jugement qui est très condamnant et qui crée dans la condamnation des séquelles, comme je l'ai dit, émotionnelles, physiques, financières, qui deviennent excessivement permanentes dans l'être, qui ne peut pas se débarrasser de ces fameuses traces qui se sont installées sur son corps, sa finance, quoi que ce soit. Donc, il faut bien comprendre que avant qu'il y ait un passage à l'accusation, à l'absolue culpabilité, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui préviennent. Il y a beaucoup d'éléments qui se présentent, comme on dit, d'une façon très subtile par le biais de la critique, le regard, la façon d'être des gens, les gens qui deviennent excessivement indifférents vis-à-vis de votre être. Parce que la critique, c'est pas toujours verbal. Il y a des fois, c'est, comme ils disent les Anglais, c'est un body language. C'est le langage du corps. C'est la ligne de pensée de l'être qui se donne un comportement distant ou qui se retire. L'absence, c'est une des formes d'accusation les plus abstraites, mais les plus percutantes dans l'émotivité. Quand une personne n'est plus capable de dire ce qu'elle a à dire, ben, à un moment donné, elle se coupe, elle se cache, elle se retire de la conversation, elle se retire de la présence physique qui est souvent nécessaire pour que quelque chose se passe. Donc, il faut bien comprendre que la difficulté souvent de s'exprimer, c'est dû à beaucoup de critiques et éventuellement à une forme d'attaque ou d'agression constante par le biais du reproche. Les gens qui font du reproche d'une façon, je dirais presque systématique, c'est des gens extrêmement dominants. Ce sont des gens qui sont négatifs dans leur être et qui sont malades, qui ont une maladie intérieure. C'est des êtres physiquement et psychiquement malades. Et conséquemment, ils sont très dangereux pour leur environnement, surtout pour leurs enfants en particulier, parce que c'est des êtres qui ne sont pas capables d'apprécier ce qui est beau, ce qui est harmonieux, ce qui est équilibré. Ils vont, sans s'en rendre compte, dégrader constamment leur milieu, surtout l'aspect psychique de leur milieu. Et ça, c'est excessivement dangereux. Si vous envoyez ces gens-là, ben, je vous dirais carrément, critiquez-les pas, ça change absolument rien. Faites-le pas de reproches, accusez-les pas. Ils sont déjà condamnés par leur attitude. Fait que c'est pas nécessaire. Protégez-vous, vous, mentalement, de cette situation-là. Les gens qui sont négatifs, c'est des gens qui ont déjà un élément de culpabilité d'être. Et un élément de culpabilité de ne pas être performant, de ne pas fonctionner, de ne pas être adaptable dans la société. C'est des êtres qui s'autodétruisent, c'est du suicide à la petite cuillère, comme je dis souvent. Donc, c'est pas nécessaire d'en rajouter, parce qu'ils sont déjà très, très, très affectés par leur accusation. Personnellement, j'entends. Fait que ce qui dégage ou ce qui libère comme venin sur leur environnement, c'est simplement le trop-plein de ce qu'ils vivent dans leur tête, dans leur émotivité, dans leur intellect. Donc, on n'en met pas plus, parce que là, ce qui va arriver, c'est que si vous rentrez dans le jeu psychologique psychique de leur personne, vous allez vous-même être affecté physiquement par le comportement d'agression psychique, occulte, de cette agression verbale, de cette espèce de dégoût de vivre, d'insatisfaction de se réaliser, etc., etc. C'est très, très, très négatif de commencer à accuser un être qui est déjà très négatif. Parce que il n'y a pas de fond, vous ne pourrez jamais corriger cette personne-là. Cette personne-là doit se corriger par elle-même. Et de l'encourager à s'en sortir, c'est pas la meilleure façon non plus. Il faut vraiment que la personne aille faire face dans sa vie, à un moment de sa vie, à une crise existentielle profonde où elle va être confrontée à vouloir mourir ou vouloir vivre. Et c'est la seule façon qu'une personne peut se libérer de ses grosses charges négatives. Quand vous êtes excessivement critique à votre égard ou que vous vous faites des reproches, faut vraiment que vous ayez la capacité de faire face à cette charge négative et de dire, bon ben là, est-ce que moi j'en meurs? Est-ce que je décide de vivre ou je décide de crever là? Puis crever là, c'est pas toujours physique, hein. Vous pouvez décider de crever là, puis de devenir parfaitement légume au niveau psychique et ne plus être capable de fonctionner. Donc, faut être extrêmement prudent avec le moment où on s'attaque à la charge négative, parce que faut vraiment être sûr qu'on a l'énergie pour faire face à la décision qu'on va prendre. Souvent, j'ai remarqué que les gens qui étaient négatifs, c'était des gens qui ne contenaient pas leurs décisions. Ils avaient des décisions à prendre qui étaient idéales. Il n'était pas capable de se donner les étapes nécessaires pour s'affranchir d'un sentiment d'impuissance et il se retrouvait à un moment donné dans un rapport avec le milieu, avec justement un sentiment d'impuissance, comme on dit, d'à côté les décisions des autres, et ils étaient dans un milieu qui conséquemment était plus performant qu'eux, et là, à ce moment-là, ils n'étaient plus capables, eux, de s'égaliser avec le milieu, donc étaient rejetés du milieu et se culpabilisaient de ne pas avoir donné le rendement ou ne pas avoir donné la performance voulue pour pouvoir être reconnu, être accepté, puis être aimé en finale par justement le milieu. Donc, ça devient négatif parce que notre positif est pas assez puissant pour faire face aux attentes ou à la demande du milieu. Et souvent, il faut commencer par un travail sur soi pour être capable de s'auto-satisfaire, afin de justement être capable de situer le milieu qui va nous contenir ou qui va être capable, dans son calibre, de nous ajuster à ce que l'on est réellement et non pas à ce qu'on pense qu'on est, qui est souvent une surévaluation de notre réalité ou une sous-évaluation dans certains cas, mais souvent c'est une surévaluation parce qu'on vise à atteindre des sommets qu'on n'est pas en mesure d'atteindre, peut-être pas dans un temps donné, et on s'impose d'y arriver. Et ça, ça engendre beaucoup de critiques sur soi, parce qu'on s'exige beaucoup de choses qu'on n'est pas capable de rendre. Faut pas oublier que les personnes qui critiquent ou qui reprochent, c'est des gens qui ont été déçus à un moment donné de leur propre performance. Fait qu'ils s'attaquent aux autres parce qu'ils essaient de mettre les autres à leur niveau pour être aimés du milieu. Mais cette attitude de vouloir comme affaiblir son environnement, peut-être parce qu'ils l'ont subi eux-mêmes, c'est sûr que ça n'améliore pas leur lecture d'eux-mêmes, parce que c'est pas à te penser faible avec d'autres personnes qui se pensent faibles que tu vas t'en sortir. Tu t'en sors avec des gens qui se pensent forts puis qui réussissent à s'en sortir justement, puis qui te font voir qu'est-ce que tu as à faire ou à vivre ou comment tu dois te sentir pour t'en sortir. Donc, l'élément de critique, si vous l'avez contre vous-même, c'est probablement là que vous devez commencer à faire le travail d'extraction de la souffrance que peut imposer l'insatisfaction ou l'impression dans vos attentes que vous ne serez jamais capable d'arriver à quoi que ce soit. C'est très, très, très important de trouver dans notre vie un point où on n'est pas critiquable, où on n'est pas reprochable. Il faut en arriver à ce point-là pour être capable justement de convenir avec un environnement qui est public ou social, qui va nous donner la paix, qui va nous laisser en paix, qui va être capable de nous laisser respirer notre vie comme on veut la respirer. Donc, bien comprendre que l'évolution psychique de votre être, c'est une évolution qui est très, très sensible aux charges négatives, même non révélées, et que les gens qui se présentent à vous dans des conditions non révélées, qui font de la critique, moi j'appelle ça occulte, là, dans le sens que ils vous disent que vous êtes fait, mais ils pensent le contraire, ben c'est aussi nocif que quelqu'un qui vous parle directement. Parce que la personne qui vous parle directement, on vous donne un feedback de ce qu'elle pense, de ce qu'elle ressent. Fait que c'est déjà plus ouvert. Mais quelqu'un qui occulte ses états d'âme, c'est un être qui est extrêmement sournois dans son attitude. Il est sournois pour lui. Il est toujours sournois pour lui-même, mais il est excessivement sournois pour son environnement. Donc, faites extrêmement attention à ces jeux de critiques et de reproches que vous avez sur vous-même et que vous pouvez émaner vers les autres. Vous savez pas à quel point ça peut atteindre et ça peut dégrader votre environnement ainsi que la qualité de votre échange avec les autres. Une autre origine de l'atmosphère de la culpabilité, c'est le désordre. C'est assez fréquent de voir des gens qui sont exposés à une phase de leur vie où il y a un désordre physique, un désordre émotionnel, un désordre intellectuel, qui sont la risée des autres. La risée parce que ils ne correspondent pas au portrait que les gens se font du courage nécessaire pour se sortir d'un problème. C'est plus difficile de critiquer quelqu'un qui a de la volonté de s'en sortir, même s'il est exposé à un désordre, parce que la personne travaille pour un ordre. On peut la critiquer, mais dans le sens positif, en lui disant, ben, il te manque ci, il te manque ça. Mais là, à ce moment-là, c'est plus un constat qu'on fait, un constat de ce qui manque. Mais on ne sent pas dans la contenance et la volonté de la personne qu'elle est attaquable par le fait que sa volonté, sa contenance de la situation travaille à l'amélioration de la situation. Si on vous reproche, si on vous critique, et que dans la critique, vous ne faites que voir des constats. Vous ne faites que percevoir des autres quelque chose qui vous manque peut-être. Que vous vous donnez le droit de définir la critique de l'autre comme étant simplement une possibilité d'ajustement et non pas comme un jugement final. Vous êtes déjà fortement à l'abri de la critique. Et si vous avez un énorme puissance, une énorme puissance de volonté et de contenance, vous allez même vous dégager de toute forme de reproche. Et même les gens qui vont travailler à vous écraser par une forme quelconque de règlement ou de loi vont sentir la puissance de votre intelligence à chercher toutes les façons possibles d'établir un équilibre, un ordre. Et vont probablement aller jusqu'à vous donner des privilèges parce qu'ils vont être comme curieux de voir jusqu'où vous pouvez pousser cet ordre-là. Et c'est ces gens-là qui ont énormément de contenance et qui s'affichent avec énormément d'autorité devant la critique et devant le reproche, qui sont capables de faire changer les lois, qui sont capables de modifier la lecture et la perception d'une collectivité, qui sont capables de briser la critique à l'origine de l'émotion. Parce que quand vous avez un environnement qui veut vous dominer, oubliez pas qu'il doit trouver une faille chez vous. Et si vous êtes dans cette recherche d'ordre, dans cette recherche d'équilibre, dans cette recherche d'harmonie, si tout ce que vous posez comme acte est dans le but de vous balancer, de vous permettre de traverser un obstacle, et que ça se dégage vibratoirement cette puissance et cette autorité, il n'y a rien dans la critique qui peut vous atteindre. Parce que de la critique, c'est une idée, c'est une lecture des choses, ce n'est pas plus que ça. Si ça vous atteint, ça va affecter votre centre décisionnel, ça va modifier votre capacité d'agir à l'avantage de la personne qui vous critique. Mais si vous êtes dans l'appréciation de la critique de l'autre et une compréhension qu'il est possible de se servir de sa critique pour structurer, organiser, balancer votre façon de faire, vous allez se faire sentir à l'autre qu'il est votre pion, qu'il est votre serviteur, qu'il est à votre service dans votre compréhension des faits et que ça, effectivement, ça vous avantage pour d'autres aspects de votre vie. Là, à ce moment-là, sa critique devient constructive. Pas nécessairement parce que l'autre l'a voulu constructive. Parce que c'est vous qui, dans votre lecture de la situation, ne se laisse pas atteindre, ni intellectuellement, ni émotionnellement, ni physiquement, et qui, conséquemment, est capable de transformer cette forme de critique en moyen d'agir pour corriger, améliorer, transformer votre environnement. Donc, faut bien saisir le fait que quand vous êtes exposé à de la critique, ou que vous exposez même quelqu'un à de la critique, vous n'avez finalement qu'une lecture. Vous n'êtes que dans une situation pour essayer de comprendre un événement. Je pourrais dire que toute forme d'étude qui se fait avec les gens, toute forme d'étude qui se fait psychologiquement ou qui se fait par le biais de communication psychique ou quoi que ce soit, est une forme de présentation des événements et des faits qui permettent à l'individu de voir dans quel cadre qu'il peut se situer ou dans quoi il peut agir devant des forces dites négatives et des forces dites positives. C'est sûr qu'on va vous critiquer sur les éléments négatifs, mais les éléments négatifs sont dans votre vie par nécessité. Il est nécessaire de passer par des expériences négatives dans la vie pour former notre volonté. Là où vous pouvez sentir un affaiblissement, c'est que lorsque cette fameuse volonté est atteinte, c'est parce que vous ne sentez pas que vous êtes capable de vous affranchir de l'obstacle et de la crise dans laquelle vous êtes. Un être humain est composé de karma, de programmation, où les énergies se puisent à la fois sur ses imperfections et sur ses talents. Il a des talents pour contrebalancer ses imperfections et toute forme de programmation d'âme sous-tend des failles et sous-tend aussi une force souvent équilibrée et équivalente pour neutraliser ces failles. Tout au long de sa vie, la personne va travailler à neutraliser ses failles et toute sa vie jusqu'à sa mort, elle va avoir à comprendre pourquoi la faille existe, c'est quoi son origine, et les ressources et les moyens qu'elle dispose, elle va être obligée de les découvrir, pour être capable de mettre un terme à la problématique de la faille. Il faut bien comprendre qu'une faille peut être aussi une attitude positive. Une attitude spirituelle peut devenir une faille dans certains aspects de la vie, peut être un élément de force dans un autre aspect de la vie. Donc, ne pensez pas qu'une faille, c'est un élément d'infirmité chez l'être. Ça peut être une force qui n'est pas acceptée dans un milieu et qui est une faille parce que la personne est trop forte, elle est trop en autorité par rapport à son environnement. Un génie dans une maison de gens qui sont simples d'esprit est handicapé sérieusement parce qu'il va être rejeté par son milieu. Donc, son génie est en soi un avantage dans un autre milieu social qu'il contient. Mais dans un milieu social qui ne le contient pas, ça devient un sérieux handicap, un élément où on peut le ridiculiser, le chercher constamment à l'affaiblir ou quoi que ce soit. Donc, oubliez jamais que ce que vous avez comme lecture de ce qui est négatif est toujours en fonction d'un problème d'échange. C'est le manque ou le déséquilibre dans l'échange, qui engendre le défaut et l'attitude souvent de votre environnement à vous critiquer ou à vous mettre dans une zone de lecture qui n'est pas à votre avantage. De là l'importance de se forger une identité très solide qui est capable de faire autorité par soi-même. Mais ça, on ne vient pas au monde avec ça. On a avant tout une structure collective, familiale, qui nous place dans une programmation karmique. On a à explorer les racines de ce karma. On a éventuellement à rencontrer certains facteurs sociaux extérieurs à la famille qui vont contrebalancer l'aspect karmique qui est négatif, la faille que de la famille peut avoir. Et on aura toute notre vie à aller chercher à l'extérieur des gens qui seront aptes à corriger cette tension émotionnelle, cette tension intellectuelle, cette tension physique pour certains cas d'infirmité qui a été engendrée dans le climat familial. C'est sûr que à un certain moment donné, vous voulez être autonome, vous voulez pas dépendre de personne. Mais un combat avec le karma, c'est un combat d'une vie. C'est fini quand vous êtes mort. Donc, jusqu'à votre mort, vous allez être obligé de vous mettre en échange. Donc, les échanges que vous allez être obligé de rechercher éventuellement dans votre vie vont avoir deux résonances. Une résonance pour vous faire vibrer votre karma et une résonance pour vous faire sortir de votre programmation. Vous faire sortir, ça veut dire intégrer l'expérience pour en arriver à un état de neutralité. Il y a beaucoup plus de gens qui vont passer dans votre vie pour vous faire vivre et vibrer votre karma. Il y en aura probablement beaucoup, beaucoup moins et très, très, très peu qui seront en mesure de vous faire lire objectivement votre programmation pour que vous soyez en mesure d'intégrer votre programmation. Ces gens-là sont précieux dans votre vie. Si vous les rejetez parce que vous êtes trop pris dans l'âme, vous risquez d'avoir, à vous réincarner plusieurs vies pour régler votre programmation karmique. Donc, la lecture que vous vous faites de votre vie, elle est très, très, très importante. Parce que c'est cette lecture que vous faites de votre vie qui fait que vous êtes dans votre programmation ou apte à intégrer votre programmation. Je ne pense pas qu'on puisse se sortir réellement d'une programmation, mais je pense qu'on peut en arriver à être excessivement mental ou apte à pouvoir répondre à toutes les questions qui nous font vibrer de la sauce karmique, de l'expérience karmique, une dynamique psychologique quelconque. N'oubliez jamais que les gens qui se présentent à vous sont là pour vous supporter ou vous nuire. Ils font partie de la polarité de votre programmation. Donc, il n'y a pas de hasard dans les gens qu'on rencontre. Les gens qui sont là pour vous nuire sont des tests de vie. Les gens qui sont là pour vous aider, c'est pour contrebalancer ce que vous ne contenez pas des gens qui sont là pour vous nuire. Vous avez toujours dans l'environnement des personnes qui représentent ou qui véhiculent un événement vis-à-vis vous. C'est pas l'individu, son nom, son adresse qui est important. C'est la nature même de l'événement avec lequel vous devez traiter. Et ça peut prendre de multiples formes. Si vous avez des conflits avec l'autorité, ça peut prendre énormément de formes, y compris la forme d'un enfant qui peut avoir de l'autorité sur votre personne. Donc, il faut bien comprendre que du karma, c'est quelque chose d'inévitable. Que de la critique, c'est un moyen que les forces de vie se servent pour mettre en relief une faille karmique. Le reproche, c'est comme si on a besoin que le problème karmique soit gros pour le regarder. Quand vous êtes rendu au stage de vous sentir coupable, c'est parce que là, le karma, il doit carrément être vécu. Là. Vous êtes obligé de faire face à la grosse faille que vous, peut-être que vous niez depuis des années, que vous avez tendance à vous cacher, à vous extirper de la situation ou de la sensation. Donc, moi ici, ce que je veux mettre en relief, c'est le fait que la culpabilité, le reproche, la critique, c'est des lectures. Et que tant que vous n'êtes pas atteint par la lecture de votre environnement, vous êtes capable d'intégrer. Donc, vous êtes capable de vous mettre à l'abri d'une expérience karmique qui pourrait être vécue excessivement. Mais si vous êtes obligé de le vivre excessivement, c'est parce que définitivement, il y a quelque chose de vous qui est inapte à faire la lecture, qui vous permet d'être objectif devant la situation. Donc, je mets beaucoup, beaucoup le relief sur le fait que ça ne vous atteint que si vous faites la lecture dans le sens de l'autre. Si vous êtes capable de prendre une lecture à partir de vous-même, vous allez regarder ça comme un constat qui sera évidemment souvent négatif, mais qui peut être vécu ou perçu comme un élément positif si vous êtes capable d'occulter ou d'avoir une vision plus psychique à travers votre contact, exemple. Et là, à ce moment-là, on va vous indiquer pourquoi vous êtes obligé de vivre telle ou telle expérience. Ça ne veut pas dire que vous pourrez l'éviter, mais vous êtes en mesure de l'intégrer. C'est très important. L'autre aspect qu'il faut considérer, je vous donne un exemple, vous aimez trop, on peut vous critiquer d'aimer trop. Vous allez dire, pourtant, c'est une qualité. La qualité, c'est toujours en fonction de son application. Trop de quelque chose peut devenir un défaut. Comme le manque de quelque chose peut être aussi un défaut. La bonne dose, l'harmonie, le bon timing, le moment exact pour faire les choses, c'est ça de l'harmonie. C'est pas une quantité X de qualité ou de défaut. C'est simplement un moyen que la vie se sert pour vous mettre en échange avec votre environnement. N'oubliez pas que tout est marqué. Tout est un destin. Tout est là pour vous faire vivre quelque chose au niveau émotionnel, physique et intellectuel. Et que ça, ça sous-tend qu'il y a autant de charges négatives que de charges positives. Vous ne pourrez pas faire des gains dans votre vie sans être obligé de faire face à la perte. Vous ne pourrez pas être aimé dans la vie si vous n'êtes pas capable de faire face au rejet. Vous ne pourrez pas assumer un talent si vous ne vivez pas exactement le retour, le négatif du talent, c'est-à-dire la perte du talent. Et là, inévitablement, vous allez finir par vous demander, ça mène où la vie? Ça mène dans la neutralité. Plus vous atteignez un point de neutralité, et ça, on peut pas se créer d'attitude face à ça, c'est pas une attitude intellectuelle, c'est un climat qu'on a quand on atteint, appelez ça un niveau de professionnalisme, si vous voulez, mais quand on atteint ce niveau, cet état de conscience de neutralité, c'est parce que là, on sait comment se véhiculer dans la polarité. Parce qu'une personne neutre ne fuit pas la polarité. Elle est capable, dans la polarité, de revenir au neutre. Et c'est ça qu'on doit atteindre éventuellement.